Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30 pour plonger dans l'univers du 9e art de la bande dessinée. Et ben pour le début d'année, on s'est dit ben quoi de mieux que de faire ce que tout le monde a fait avant le temps des fêtes, mais nous d'avoir pris le temps des fêtes pour lire, pour approfondir notre réflexion, nos lectures et le reste, et pour vous revenir avec nos coups de cœur pour l'année 2019, coups de cœur BD. Alors, pour ce faire, en fait, donc plutôt que de les faire de manière autonome, de manière solitaire, j'ai plutôt proposé aux collègues du club de lecture d'amener donc leur coup de cœur, leur vision et leur retour sur 2019 et de se faire un club de lecture spécial coup de cœur. Alors donc j'accueille mes compères, donc Marco Duchesne, bonjour. Bonsoir. Mon premier coup de cœur est... Quoi? Ah non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Ah. On va donner une petite chance. Édouard Tremblay, bonjour. Salut Raymond, bonne année à tes auditeurs. Jérôme Vermette, bonjour. Bonsoir. Mon premier coup de cœur est... Parce qu'il m'a dit de dire comme lui. Alors, nos trois libraires en résidence de chez Pantoute et de chez La Liberté. Et Marco, Jérôme, Édouard et moi avons évidemment lu des BD en quantité variable, il faut dire aussi au fil de l'année. Alors, c'est peut-être pour ça que je me garde toujours la gêne un peu coup de cœur. Donc, il y a des gens qui ont lu pas mal toutes et qui en profitent pour offrir des vrais coups de cœur. Et il y en a d'autres qui ont lu moins que toutes, mais qui proposent quand même des vrais coups de cœur également. Alors, donc, on va aller en différents axes, on va explorer un peu tout ça, on s'est déjà jasé un peu avant l'émission d'ailleurs, pour arriver avec une petite liste semi-compréhensible de titres. Semi? Non, attends. Je la partageais sur Facebook un peu plus tôt aujourd'hui et j'ai eu quelques points d'interrogation, mais bon, on a la liste quand même. Et je proposerais, collègues, qu'on commence par le Québécois. Et ensuite, qu'on plonge en deuxième moitié d'émission avec la littérature étrangère et hors Québec. Et au niveau québécois, fait amusant. Il y a parmi les... Enfin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titres qui sont cités de manière éparse par les uns ou par les autres. Donc, au total, 10 titres. Donc, on partage quelques recommandations. Parfois, on est deux à recommander un même titre ou avoir un coup de cœur pour un même titre. Mais dans ce cas-ci, c'est le titre, et d'ailleurs le seul de toute l'émission, où littéralement tout le monde en a le même coup de cœur. C'est l'album « Jour d'attente » aux éditions de La Pastèque de Thomas Desaunier-Brousseau et Simon Leclerc. Coup de cœur collectif. Ben oui, tout à fait, Ben de mon côté, j'avoue que au-delà de l'histoire que j'avais bien appréciée, ce qui a vraiment, à mon avis, distingué l'album, c'était cette maîtrise du dessin. Particulièrement, j'ai trouvé les parce que bon, pour ceux qui connaissent pas peu le concept, c'est un jeune homme qui va se cacher pour éviter la conscription, un phénomène qui était quand même assez fréquent ici dans les années 40 au début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour éviter de se ramasser sur les champs de bataille, on allait se cacher dans le bois, ou souvent on avait un parrain qui avait un chalet éloigné, des choses comme ça. Et donc c'est ce que va faire le jeune homme. Et donc comme tout ça se déroule souvent justement en nature, dans la forêt, il y a plusieurs scènes nocturne, plusieurs scènes à l'intérieur et la maîtrise des reflets du feu. Je sais que ça va avoir l'air des fois peut-être d'un point de détail, mais pour ceux qui vont avoir lu la BD, vous allez comprendre, vous comprenez de quoi je parle, et ceux qui vont la lire vont comprendre aussi, parce que c'est omniprésent et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien maîtrisé. Il y a un travail de couleur assez fort. Au-delà oui, du feu, mais tous les coloris. Il y a un traitement graphique assez intéressant. Moi, c'est... Personnellement, le dessin, ça rentre pas dans ce qui m'attire le plus, là, ce genre-là. Mm-hmm. Alors, faut vraiment que je m'y mette, puis que ça soit l'immersion là, dans l'histoire. Et ça fonctionne, l'histoire, avec une tendance un peu fantastique. Là. Oui, tout à mais fait, ce genre de dessin-là, mais c'est surtout la manière dont il l'enrobe narrativement. Et c'est quelqu'un qui arrive à jouer avec le temps, à étirer certaines choses, à nous... Les conversations, comme Édouard dit, autour du feu, avec les reflets, tout sont magnifiques. Alors, pour moi, effectivement, c'est incontestablement un des meilleurs albums québécois. Et c'est intéressant, en fait, parce que Édouard amenait justement l'a priori au niveau scénaristique, où on dit, on déserteur qui se retrouve dans les bois avec son grand-père. Donc, on démarre un peu avec l'idée qu'on est dans un huis clos, qu'on est dans une histoire classique où, au contact de l'un de l'autre, dans le fond, deux personnes vont grandir, évoluer ensemble. Il y a une intrigue amoureuse aussi où on sait qu'il y a des choses qui vont se passer, mais justement, au niveau du scénario, on évite d'aller à fond dans ces archétypes-là sans les mettre de côté, mais en ajoutant justement, comme tu disais, Marco, coup la couche de fantastique. Donc, il y a une dimension de mystère, il y a un côté thriller un peu sur qu'est-ce qui est arrivé dans cette maison-là, qu'est-ce qu'il y a des particularités avec cette maison-là. Et là, tranquillement, l'intrigue amoureuse bascule vers une intrigue d'enquête. Tranquillement, les soirées autour du feu avec le grand-père, ben, il y a des ombres, il y a des éléments, il y a quelque chose qui se passe au-delà de ce qu'on voit. Et donc, ça vient accentuer l'ambiance et ça vient aussi, à mon sens, justifier de manière assez solide la priori graphique qu'on se donne, donc avec le côté coulant, le côté peinture, les aplats de couleurs très forts aussi et le reste. Là. D'ailleurs, ça me fait penser parce que je trouve que ton terme immersion, il est bon pour cette BD-là. J'y avais pas pensé, mais je repense la manière dont les planches défilent, hein, les couleurs, on a vraiment... La manière dont elles sont étendues, presque sans être juste tout à fait ce qu'elles couvrent, on a vraiment l'impression qu'on y plonge. Puis le temps, effectivement, qui est maîtrisé là-dedans, ce scénario-là qui est maîtrisé autant dans dans ce qui est dit que dans ce qui est non dit. Hein. Il y a des moments littéralement d'attente entre les personnages. Le grand-père, il parle, c'est un homme de peu de mots. Fait quand le personnage principal, qui je tiens à le dire, s'appelle Jérôme, se retrouve avec, il est... Mais c'est que ça force il y a quelque chose qui se passe quand même entre les deux, puis on arrive à le sentir à travers les planches. Ça force une narration visuelle. C'est qu'en fait, au niveau scénaristique, l'auteur a su se retirer un peu pour laisser le visuel parler à travers les gestes, à travers les images, à travers les cadrages. Mais le non-dit, comme ça, a une importance très grande pour ce genre de récit-là. Inévitablement, justement, à cause de l'aspect surnaturel, et on s'entend, c'est pas du fantastique, c'est pas du fantasy, mais on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec un côté très beau, très mot passant. Et dans ce genre d'ambiance-là, ce qui fonctionne, c'est justement de laisser certaines choses en suspens, de laisser le lecteur faire l'effort de deviner, hein, quelque part. Mais c'est pas juste là-dedans que je le trouve bien, le non-dit. En tant que tel, il fit avec la psychologie de ce personnage-là, le grand-père aussi, en tant que tel. Tu sais, c'est A1. Puis il y a beaucoup de choses, hein, dans cette BD-là. Tu parlais histoire d'amour, enquête, un peu de fantastique, qui pourrait être ou ne pas être du fantastique. Ça pourrait se passer tout simplement dans la tête du personnage en tant que tel. Là. Entre les mains de personnes qui maîtrisent moins bien leur scénario, ça serait n'importe quoi. On arrive toujours à suivre le fil très, très bien. Puis, au bout du compte, à la fin, quand il y a eu beaucoup de choses, malgré tout, on les a sentis, ces jours d'attente-là. Là. Et ce que je trouve absolument fascinant avec cet album-là, en fait, c'est que il est sorti, je pense, il y a 2 ans avant cette année, du côté anglophone d'abord, chez, dans le fond, la même boîte anglophone qui publie Box Brown, sous le titre de Idle Days, parce qu'il ne trouvait pas d'éditeur au Québec. Il faut le faire. En français, je veux dire, après, dans le fond, ce passage américain que là, la pastèque a choisi d'accepter ou de sauter, Dieu merci, sur ce scénario-là, mais je trouve ça fascinant que en 2016, on n'ait pas réussi à trouver un éditeur pour un ouvrage comme celui-là. Les éditeurs sont encore frileux pour l'aspect visuel. Si ça compte, on le sent bien là. Ils ont sauté à les deux pieds dans le roman graphique. Là, c'est génial. Là, les éditeurs québécois font, tu sais, on peut faire du roman graphique, de bonnes histoires. Mais faut si on regarde là, l'aspect visuel, faut que ça dérange pas trop. Et Un jour d'attente a un aspect visuel moins accrocheur que, je dirais, Contact, dont on va parler, ou des autres. Qui est moins classique. Et moins classique, effectivement. En fait, tu sais, je regarde, en jeunesse, si on regarde La Jean-Jean, ça fonctionne, là, le graphisme, tout ça. Mais quand arrive L'Aventure aux Ors, le graphisme est un peu moins fignolé. Mm-hmm. Alors, c'est ça vrai. Prend une espèce de... Faut arrêter d'être frileux, tu sais, le lectorat, les lecteurs, eux, c'est pas des gens qui sont frileux. Ben, là-dessus, je trouve d'ailleurs que c'est une bonne année, parce qu'on en parlait d'ailleurs tantôt avant l'émission, mais il y a beaucoup de bandes dessinées québécoises là-dedans qui, au niveau graphique, sont complètement hors des normes. Oui, même, en fait, je te dirais, dans l'ensemble des titres qu'on cite... il y en a pratiquement 3 ou 4 là, qui sont ailleurs côté visuel, qui se distinguent. Jour d'attente, c'est un bon exemple. Ouais, tout à fait. Puis puisqu'on est un peu sur cette piste-là que t'ouvres, en fait, on peut mentionner d'autres au niveau graphique fort, au niveau conceptuel fort, Rédemption de Liftan, 3 tomes. C'est dans ta sélection, c'est dans ma sélection, Jérôme. Pour moi, en fait, je veux dire, Liftan a livré un triptyque, mais un triptyque où chaque album est de style, de nature distinct. en fait, où d'un côté, on amène donc un récit un peu pastiche du western, qu'on pousse un peu, bon, avec une dimension un peu religieuse, mythologique. Dans le deuxième, on se retrouve dans un dialogue philosophique. Puis dans le troisième, dans une descente aux enfers classique. Et vraiment, en fait, je veux dire, si on les met bout en bout, ça fonctionne, même si chaque album est à ce point différent. Et dans le contexte d'un choix graphique qui est aussi assez, disons, audacieux, en fait, c'est très sombre, très dense. En tant que tel, en partant, je pense qu'avec Clifton, tu peux jamais t'attendre à ce que ce soit la norme, là, tu sais. Ouais, mais au niveau graphique, on peut voir les avancées au fur et à mesure dans son œuvre à lui. Ce genre de. Pour en arriver à Redemption, on peut regarder, mais, tu sais, depuis qu'il fait de la BD, l'aspect narratif a toujours été pour lui un primordial. Peu importe ce qu'il raconte, c'est la façon. Lui, il travaille. Eric a toujours travaillé cette façon de narrer. Comment il pouvait parfois, je me rappelle, espèce de l'histoire d'humanité avec la cellule, l'origine de la vie, le web, où chaque petite case. Mais il a toujours exploré. Morlaque qui est comme complètement... Et la pause qu'il a faite, à mon avis, a comme servi un peu dans... Là, il le maîtrise. Ouais. Là, c'est-à-dire que cette façon de narrer, il la met au service de son histoire et dans sa tête, est structurée en trois parties et chaque partie... Et ça marche. Et ça se suit très bien, malgré tout, comme tu dis. Là, c'est vraiment génial. Puis... Le dessin là-dedans il est tellement savoureux là, tu sais c'est des grands aplats de couleurs d'asset, tu sais, il y a pas de traits, il y a pas d'encre ou quoi que ce soit, très gras. Puis l'ambiance, on embarque à fond là-dedans, là, dans un western où on dirait que tout le monde a déserté littéralement. Là, le monde entier semble avoir déserté par ailleurs. L'ambiance est glauque là, assez régulièrement. Il y a comme une suite logique de jours d'attente à Redemption. On reste dans une ambiance, en fait, on revient un peu avec le terme immersion. Si on lit l'album dans un dispositif ou dans un contexte où on est vraiment face à lui en conversation, c'est le côté sombre. Teinte l'album, le côté vide teinte l'album, un peu comme le feu teintait Jour d'attente. Donc, le choix graphique est au service de l'histoire aussi, c'est au service de l'ambiance dans laquelle on veut nous amener. Ah ouais, c'est très apocalyptique, là, Redemption en tant que tel, là. À la limite, c'est presque c'est quasiment Mad Max en western, là. Je sais pas trop, sans les voitures, là, mais. mais... Ouais. C'est un album assez particulier. Ça, c'est, en fait, je suis un peu dans les choix. J'ai l'impression, en fait, on fait une parenthèse Jérôme Raymond, parce qu'on a, trois choix sur quatre qui étaient dans les mêmes coups de cœur. Et en même temps, mais dans le fond, la réflexion sur le côté graphique, sur l'a priori visuel, semble avoir dominé un peu ces trois coups de cœur-là en ce qui nous concerne, du moins en termes de type d'album. Donc, avec Jour d'attente, avec Redemption, dont on vient de parler, également avec le projet Chiatung de Brigitte Archambault, qui, encore là, quand on parle d'a priori graphique fort, appuyé et servant une narration forte, où on se retrouve pratiquement dans un design un peu années 70. Moi, je dis souvent que je trouve que ça a l'air d'un mode d'emploi quasiment, là. Puis c'est d'autant plus. En partant, moi, cette BD-là, je l'ai trouvée également percutante au niveau de son thème, là. Moi, je trouve que ça donne froid dans le dos, là, comme bande dessinée, là. Puis il y a un aspect clinique à ce qui se déroule là-dedans. C'est une personne qui vit des jours bien ordinaires, enfermée dans une maison. Ça semble être bucolique, mais dans le fond, elle peut jamais traverser le mur. Elle sait pas ce qui se passe à l'extérieur, mais elle manque jamais de rien. Elle peut même être constamment divertie, mais ça m'évoque beaucoup ce style de dessin-là, très, tu sais, comment je dirais, donc... La ligne, c'est plus vert que jamais, hein. Elle suit ce qu'elle a à suivre. De titre, par moment, c'est même très, ça va assez loin dans le détail, là. Au niveau de la sexualité, ça nous est mis en pleine face, comme du pornographique, littéralement, là. Mais tout nous est mis en plein visage. Oui. En fait, c'est un album qui nous arrive en pleine face, comme une baffe. Et je me posais un peu la question, moi, dans les choix des albums, et je me suis dit, mais dans le fond, je vais aller aussi, en matière de coup de cœur, je le retiens un peu comme les albums qui m'ont laissé une forte impression. Oui, albums dont tu termines la lecture et qui, par l'ambiance, par le propos, par le dessin, par l'adéquation de ces éléments-là, crée un effet fort, un effet percutant. Le projet Chiatung, tu le mentionnais, Jérôme, le questionnement que ça soulève. Donc, ici, on était élevé par nos écrans. Ici, depuis l'enfance, c'est l'écran qui nous amenait toute l'information. Je trouve ça d'autant plus percutant parce que, tu m'avais dit que c'était ni plus ni moins le propos de l'auteur. Mais c'est parce que, malgré le fait qu'il peut se lire comme une dystopie si tu le souhaites, ni plus ni moins son propos est en train de se dérouler actuellement. Tu sais, je veux dire, il y a des enfants. même des adultes qui ont constamment sur leur écran, mais les enfants, eux, c'est de le plus jeune âge là, qu'on les laisse sur leur écran en tant que tel. Ouais, d'ailleurs, un des essais qui a été très, très à la page ces derniers temps, c'est la fabrique du crétin digital, qui justement va mettre en perspective ce phénomène-là des écrans, de l'omniprésence des écrans un peu partout. C'est quand même une des forces aussi, justement, de la BD, de se mettre en prospective comme ça, de proposer une idée, une situation, alors qu'on dit oui, bon, on c'est pas un essai, ça. Non, mais c'est ça, là, mais qu'on dit, on n'est pas si loin que ça. Et c'est dans complètement un autre registre. Mais moi, quand tu me parles justement, bon, de cette omniprésence, je peux pas ne pas penser à Tokyo Ghost, le comics de Sean Murphy, où justement, nos protagonistes principaux, oui, là, c'est la chose, hein, il se trimballe à tous les jours avec un écran devant lui et l'information, le divertissement devient littéralement une drogue, ou même, c'est encore une fois, vous allez rire, mais dans l'Incale aussi. Dans l'Incale, le Jodorowsky, c'était également ça. Déjà qu'on pressentait cette culture du loisir, cette culture du divertissement, et force est de constater que les années passant, on regarde le contexte actuel et... Mais on est dans le divertissement portable. On est dans le divertissement portable. Et instantané. Dans Chiatsung, d'ailleurs, l'élément que je trouve qui m'a marqué, parce que il y a 20 ans, c'était de la science-fiction, mais c'est quand tu parles à ta maison. Donc, elle parle à Chiatsung qui contrôle la maison. C'est littéralement, mais c'est Google Home, c'est Alexa, c'est pas l'auteur de BD, mais le... et donc, là, c'est absolument... En fait, c'est, pour nous, c'est un album en fait, qui est marquant, qui est fort. Et Edouard, Marco, vous en avez un aussi, un album qui vous a uni, qu'on a aimé aussi, en fait. Je pense que si on se serait donné un 7-8 choix, il serait sûrement arrivé dans les palmarès d'un peu tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans les 10 choix, là, je pense que tout le monde serait capable de trouver son top 7 assez facilement. Mes contacts de Mélanie Leclerc, et je fais la parenthèse, en fait, parce qu'on a parlé de Jour d'attente, qui pour le scénariste Thomas Desaunier-Brousseau était un premier album. Simon Leclerc avait travaillé sur Nevada, la série Mortenay, western d'il y a quelques années. Projet Chiatsung, Brigitte Arsambault, c'était un premier album. Rédemption, on est loin du premier album, on s'entend. Mais avec Contact, c'est un autre premier album. Et pour moi, je trouve ça absolument fascinant, dans le cas de Mélanie Leclerc, autant que dans le cas des autres qu'on a mentionné, d'arriver avec un premier album et d'être en aussi grande maîtrise de sa narration, de son propos, de son sujet et de l'adéquation entre le côté narratif et le côté visuel. On n'a rien échappé dans ces albums-là. Tout à fait. En fait, dans le cas de Mélanie, c'est un premier album à maturité et tout, mais c'est quelque chose qui avait été proposé pour les BDIS Causa, pas BDIS Causa, BDLIS. Oui, en fait, BDLIS, ça avait été une publication indépendante au départ. Oui, mais ça a été retravaillé. L'éditeur a fait un excellent travail d'édition, là, d'éditorial sur l'album avec elle, et là, elle nous produit un truc comme ça qui... Moi, d'habitude, les biographies m'ennuient, mais l'autobiographie, mais ça, waouh, elle maîtrise. Là, on parle de Projet Swansong, puis on parle de Jour d'attente graphiquement, mais aussi graphiquement, ça peut être aussi simple que ça et avoir une portée émotionnelle et aussi forte. Oui, parce que avec son Contact dessin, est plus classique. Là. Et son dessin est très délicat, presque au plomb, presque diaphane. Et là, elle raconte. Mais narrativement, elle utilise tout en subtilité des codes qu'on voit qu'elle les maîtrise. Des codes de la photo, des codes du cinéma. Des codes. Et là, elle les maîtrise parfaitement pour raconter cette histoire-là. Là. Bon, elle a été la petite fille de Félix Leclerc. Elle est la fille de... Comment il s'appelle? Martin Leclerc De l'ONF. Oui, ouais, et bon, que moi, je connaissais pas. Je connais Félix Leclerc, mais pour ce qui est des autres... Je m'en foutais de ça et je me suis laissé porter par cette façon de raconter-là, tout en subtilité, tout en facilité. Moi, en tout cas, ça a été un grand choc. Autant que peut l'être des trucs aussi un jour d'attente qui visuellement frappe, puis là, tu t'immerges. Mais là, se laisser porter par autant de simplicité. En tout cas, moi, ça a évoqué... Simplicité et sincérité, j'aime bien. Sincérité, maturité, comme Marco disait aussi. Et cet exercice vraiment agréable qu'elle a, justement, parce qu'elle se met en scène et c'est son regard de petite fille sur son père qui, est, comme tous les pères, hein, n'est pas parfait, n'est pas idéalisé et est un père qui fait ce qu'il peut, mais toujours avec ce balan, avec ce bel équilibre entre cette relation-là et l'importance justement de Martin Leclerc, de l'ONF, du devoir de mémoire. Et c'est drôle parce que justement, bon, on parlait hein, de l'omniprésence de l'image, de la drogue des écrans et tout, mais encore, alors que ici c'est justement une partie de cet héritage graphique-là qui est littéralement mis en géopardie parce qu'on le juge plus pertinent, parce qu'on le juge obsolète, alors que bon sens, c'est ce que nous sommes, c'est notre, je veux dire, l'ONF, c'est au-delà même de la culture et de l'âme québécoise, c'est aussi ces Québécois justement qui sont allés à l'extérieur, qui ont fait, qui ont donné leur lettre de noblesse aux documentaires québécois, à ces grands productions-là, et donc d'avoir réussi à trouver ce bel équilibre-là entre quelque chose de très très intimiste, de très proche, de très personnel, et en même temps quelque chose qui, je dirais, nous touche tous comme société par son universalité, par son importance dans notre culture. Je pense que c'est vraiment apporté au crédit de Mélanie Leclerc, en plus pour une première BD là, redoutablement efficace. Alors ça, c'est un peu les albums qui réunissaient deux ou plus des compères du club de lecture. Il y en a d'autres, évidemment, pour lesquels on fait un peu cavalier seul, du moins pour la sélection de quatre titres qu'on s'est imposés, je le rappelle. Alors je vais lancer peut-être des titres comme ça, puis celui qui l'a choisi se manifestera, mais je pense qu'on va tous avoir peut-être envie de jaser de certains d'entre eux. Là. On pense à Zaroff, Édouard, tu l'as mis dans ta sélection, Zaroff de François-Musée de Lechêne, Sylvain Runberg. Tout à fait, hein, bon, production franco québécoise, moi, Miville Deschênes m'avait complètement gagné avec Reconquête à l'époque, que j'avais complètement écouté, dévoré, j'adorais le truc. Aussi au-delà de ça, je vois les personnages un peu comme celui de Zaroff, toujours des personnalités disons qui mm-hmm. qui me plaisent beaucoup. Je pense que c'est vraiment apporté au crédit en fait de Miville Deschênes. Bon, Runberg a fait un scénario comme il est capable d'en faire, donc un excellent scénario. Mais ce qui est vraiment frappant, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment marqué là-dedans, c'est cette façon dont Miville Deschênes va aller coller à un style de dessin qui nous fait penser résolument à des grandes œuvres des années 50, des années 60, dans son approche très classique. Mais le mouvement qu'il va conférer à ça, parce que autant qu'on pouvait aimer ce dessin-là, autant qu'on pourrait lui reprocher qu'il avait une certaine rigidité, un certain côté monolithique à l'époque. Mais ici, il va nous travailler ça avec l'approche et la scénaristique moderne, et ça donne quelque chose qui a un rythme exceptionnel. Vous allez bouffer Zaroff là, d'un bout à l'autre en prenant même pas votre souffle. Là, en fait, la comparaison que je m'amusais à faire, Edouard, tu me diras si tu serais game de la faire tienne, mais Mad Max 3, Fury Road, en termes de film d'action, c'était le film d'action parfait. Je veux dire, c'était une œuvre d'art où on prenait un genre puis on le portait à un certain paroxysme. J'ai l'impression qu'avec Zaroff, sans nécessairement parler de paroxysme ni rien, mais qu'on réussit à pousser la BD d'action, ça se dévore. Le mouvement est là, le visuel, l'ambiance, le scénario, où on est dans une certaine ambiance de type Mad Max 3, où on a quelque chose qui pousse très loin des codes d'un certain genre de BD. Oui, qui s'inscrit en fait résolument dans une grande tradition, mais qui l'amène ailleurs, qui la pousse dans notre époque, qui c'est une BD du 21e, on peut pas le nier. Mais encore une fois, comme je dis, on va retrouver un classicisme qui est maîtrisé, qui est très très très très bien amené, mais qui va justement qui va être magnifié, qui va être amené. Je pense que le clin d'œil avec le parallèle avec Mad Max pourrait paraître étrange, mais marche très très bien. Il est pas étrange, c'est juste pas un beau petit compliment quand même. Oui. Le mousquetaire Marco. En fait. Celui-là est un peu personnel comme coup de cœur. J'ai trouvé rafraîchissant ce petit album à l'italienne où je me rappelle plus de son nom. C'est d'Antonin Buisson. Ouais. Qui raconte l'histoire d'une espèce de moustique qui apparaît et qui fait des 400 coups dans la ville, et là les nouvelles nous rapportent que là, écoute, c'est la catastrophe et que là un mousquetaire devra un espèce de super-héros va l'affronter. Mais en fait, c'est une course-poursuite du début à la fin. Pardon. Magnifiquement raconté narrativement, c'est-à-dire c'est une course puis ça se veut pas autre chose. Pardon. Moi ça me rappelait dans mon enfance. Benny Hill. Les sketchs où Benny Hill et sa gang faisaient un truc et on décollait dans une espèce de course rapide. Le truc était filmé rapidement. Puis là, avec la petite musique, là. Et là, ça, c'était niaiseux, mais on riait tout le temps. Et ça, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire, on embarque, puis on suit la course poursuite. Alors, je pense que c'était maîtrisé et c'est ce qui m'a attiré en me disant je vais surveiller le prochain album. Oui, c'est un autre premier album d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est ça, mais je trouve qu'il a démontré une maîtrise narrative là-dedans, là, qui, moi, qui m'a beaucoup plu. Puis parlons d'une maîtrise du niaiseux aussi, parce que c'est pas évident de faire du bon niaiseux non plus. Oh, non, mais à mon sens, c'est vrai, là. C'est tout à pas fait. Évident. En fait, tu sais, c'est. Vous parliez tantôt du film d'action et tout. C'est un. Moi, j'ai toujours vu ça, mais dans les films d'action et dans la comédie, pour que ça puisse durer longtemps, c'est-à-dire pour qu'on ait l'effet tout un album, c'est accrocher des scènes. Et c'est des engrenages. Tout est dans le montage. Ouais. Mmh. Et ça, quand c'est bien fait, c'est-à-dire que quand une scène accroche l'autre et que tu oublies que de l'autre. Moi, c'est. Le meilleur exemple, c'est Speed. Mmh. C'est un film incroyable. Je veux dire, c'est niaiseux, là. Tout le truc est niaiseux, là. Je veux dire, c'est épais. Mais ça fait oublier que c'est niaiseux. Non, mais attends. Moi, il y a un beau-frère m'avait dit la première fois, il disait, écoute ça, tu vas voir, l'autobus, ça se peut pas. Je dis, OK. Et je m'assieds là, puis... Et j'embarque, et tout s'emboîte, une scène après l'autre. Et t'as pas le temps de réfléchir. Et tu réfléchis pas. Et quand arrive le temps de l'autobus qui saute la section de l'autoroute qui manque, moi, j'ai fait, ah ouais, OK. Voilà, that's it. C'est vrai que ça se peut pas. Mais non, moi, je veux que le film avance. Et c'est la même chose pour Le Mousquetaire. Ouais, c'est la même chose pour les exemples qu'on a cités. C'est exactement la même chose. Ouais. C'est ça s'emboîte, on lit jusqu'à la fin. On a le besoin de se faire divertir aussi quand même. Puis dans le registre du bon niaiseux, si on peut dire, ou du bon absurde, moi, mon quatrième choix, c'était la pitoune et la poutine d'Alexandre Fontaine-Rousseau de Xavier Cadieux. Oui, effectivement. Qui maîtrise très bien le genre aussi. Et je veux dire, une relecture... J'oserais même pas dire une relecture, en fait une invention à partir du mythe de Joe Monferrand, où on nous amène à l'origine de la poutine dans un road ou dans un pitoune movie sur les rivières du Québec à travers un parcours avec une société secrète de castors avec c'est délicieux, c'est rafraîchissant dans parce que depuis plusieurs années la BD depuis longtemps voulait être reconnue comme un genre à part entière en flirtant avec la littérature, en essayant d'être de la littérature, et là on est devenu on y colle des termes là, puis qui fait bien comme roman graphique, comme tu sais livres, appelez ça des livres, et ça va là, ça nous donne, et là toute l'année on cherche ça, mais on oublie que de temps en temps c'est que ça et que ça fonctionne. Moi je trouve ça rafraîchissant, et c'est des albums qui fonctionnent et qui méritent d'être les coeurs de 2009. On le répétait souvent, mais je pense que c'est important de le rappeler encore, hein, parce que l'aspect dramatique c'est une chose, mais maîtriser l'humour est beaucoup. Tout le monde a tendance à dire oh, suffit de faire des blagues, suffit, mais l'humour c'est tellement varié, c'est tellement difficile, et quand on tombe en plus dans l'absurde, vous savez, ici au Québec on a une grosse tradition d'absurde, là je pense à Paul et Paul, je pense à Digne et Dunk, je parlais de ça avec bande dessinée Gilles la jungle, là, puis exactement. Mais pour être capable de nous ramener ça, c'est pas à tous les publics que vous allez pouvoir servir quelque chose comme ça, puis cet absurde là, ils disent les gens vont embarquer, les gens vont l'accrocher. Je pense que c'est un testament aussi à la compréhension de ce qu'on est et de ce qui nous fait rire ici, ce qui est loin d'être une partie aussi facile Xavier, qu'on pourrait le croire. Xavier Cadieux, d'ailleurs, l'avait très bien maîtrisé, ça, ce lien, je trouve, entre l'absurdité et ce qui fait de nous des Québécois dans les 500 premiers Cadieux. C'était brillant, ça. Et inversement, de faire bien de l'humour, du niaiseux, de l'absurde, c'est une chose. De faire bien aussi du dramatique, c'est quand même appréciable. Bout de blague dans tes coups de cœur, Édouard. Bout de blague, bien sûr. Hein, Michael, moi qui m'avais complètement gagné avec Giant, et je pense que j'ai pas été le seul. Et autant que Giant, comme je disais, m'avait littéralement renversé, je pense qu'il y a encore à Boot Black, encore un petit plus, encore un, on sent encore une évolution de Michael, on sent une maîtrise, encore une fois, j'ai l'impression que c'est ça le mot que j'ai à la bouche ce soir, mais il faut le porter au crédit de Michael. Boot Black, c'est fort, c'est touchant, et en dépit de l'époque aussi, ça nous renvoie à tellement de réalité moderne avec les migrants, avec cette position, cette espèce d'inclusion dans la société qu'on va essayer de chercher. Comme je disais, c'est sûr qu'il y a eu Giant qui a pavé la voie et on va rester dans cette veine-là. Non, mais c'est pas la même histoire. C'est New York qui est encore notre personnage. Je le disais au cas où les gens auraient peur que d'avoir l'impression que ça vivrait la même affaire parce que c'est vraiment quelque chose. Ah oui, c'est complètement une autre approche, c'est complètement complémentaire. Je veux dire, ça vient s'inscrire dans toute cette grande vision-là qui nous présente du New York des années 30. Michael, qui est, je pense, un des plus grands BDS qu'on a ici, là, qu'il faut suivre à tout prix. Là. Ce qui fait de lui un grand artiste, c'est qu'avec James, à chaque fois qu'il sortait un album, rappelez-vous, James, c'était « wow ». Et l'autre qui sortait après, la deuxième partie, on sentait que ce qui nous avait plu, Michael avait jeté un œil dessus, il avait dit OK, je peux améliorer et je peux. Et là, il montait d'une coche. Et Boot Black, c'est encore ça. Mm. Mais c'est ce qui fait de lui un grand artiste en bande dessinée, c'est que il travaille et améliore son art. Il refuse de se répéter. Et voilà. Et chacune de ses histoires, ses scénarios sont super bien. Avec une grande humilité, autant dans le travail que chez l'homme aussi, qui est quelqu'un d'abord hyper sympathique et tout, mais qui tu sais, qui est un des grands. Là. Et il nous reste deux mentions pour clore la partie québécoise. Marco, un jour de plus de Philippe Girard. Moi, personnellement, j'aime ce qu'il fait. J'aime ce que fait Philippe. Et là, cette fois-ci, je l'ai adoré parce que j'ai vraiment aimé son album parce que c'est une histoire toute simple, imprégnée de fantastique, avec une histoire qui nous dit que si on avait une journée de plus, qu'est-ce qu'on ferait? Et on le suit. Et là, il maîtrise encore plus la façon dont il raconte ses histoires. Parfois, les autres précédentes, parfois on s'y perdait, mais là, il nous tient jusqu'à la dernière seconde et j'ai trouvé que c'était un bel effort et que vraiment, c'était vraiment amélioré et graphiquement aussi. C'est un album qui m'a impressionné en 2009 pour Philippe. Et Jérôme, la grosse LED. Oui, on a parlé d'absurdité tout ça. Là, je trouve que je rentre dans l'émotion fort. La grosse LED, je trouve que c'est un peu... c'est chargé carrément en termes d'émotion en tant que tel. Et c'est... j'ai un blanc sur le nom de l'auteur, Noël, Marie-Noël. Je sortais ça pendant que en tu En tout cas, qui parle de ce qu'elle a vécu, elle, de sa jeunesse et jusqu'à sa vie adulte, de vivre littéralement dans un corps de grosse personne et c'est comment elle vit le fait, le regard qu'elle se fait jeter par tout le monde qui l'entoure, y compris les gens de sa famille, qu'on la prend maternaliste, hein, tu vas voir ce que j'aime là fonctionne, ça va être super bien, même si t'as rien demandé. Donc c'est ni plus ni moins de faire dire que t'es gros et puis se faire insulter, évidemment. Mais j'ai trouvé très intense au niveau émotionnel cette bande dessinée-là, qui est carrément juste du noir-blanc, là. C'est sombre. C'est parce que l'auteur se met littéralement à nu au niveau de ses émotions et de ce que c'est de vivre dans ce corps-là constamment. Donc il y a même des planches où elle ne fait que se regarder au miroir ou même elle se déforme le visage pour dire « Ah, je suis pas belle » ou tout ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement intense de pouvoir faire ça comme ça en bande dessinée. Je trouvais que c'était très réussi. Et pour ceux qui se disent, bon, ça y est, il nous parle que de trucs qui... parce que je sais que j'ai souvent tendance à aimer les choses plutôt sombres. Il nous parle que de trucs trop chargés, mais ça finit pas dans le pathos, littéralement, en tant que tel. Elle s'en va vers un message. Ça m'a rappelé un peu... j'ai oublié son nom, ce collaborateur-là du Voir qui participe au... BDS Causa, Michael Bergeron. Bergeron, qui écrit un livre sur la grossophobie. Littéralement, je trouve que les deux ouvrages sont un peu en dialogue, ni plus ni moins. Là. Et j'ai trouvé très intéressant cette manière-là qu'elle a de l'amener vers la fin. Donc, elle nous a mis devant ce qu'elle a vécu toute sa vie. ça se finit bien pour elle parce qu'elle a des amis. Elle a appris, bon, pas nécessairement autant à s'aimer, elle le dit elle-même, mais elle parle également finalement de diversité. Pourquoi il faudrait qu'on soit tous minces, qu'on soit, dire, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on corresponde tout au même modèle? Est-ce que je pourrais pas juste être belle et bien dans ma peau comme ça? Parce que tant qu'on m'en parle pas, je peux être bien dans ma peau. J'ai aimé beaucoup cet ouvrage-là à cause de ces éléments-là. Et ça, c'est de Marie-Noël Hébert. Hébert, voilà, merci beaucoup. Et effectivement, on fait une belle mise à nu. Oui, je pense que c'est la bonne expression. On parlait de sincérité pour contact, je pense qu'on l'a aussi avec ce livre-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est la portion québécoise, donc les sélections de Marco, Jérôme, Édouard et moi. On vient de terminer donc la première partie des titres québécois. Quand même, plusieurs titres partagés, une dizaine de coups de cœur. C'est assez représentatif. Enfin, on a une belle année côté québécoise, je trouve. Et évidemment, là, on plonge dans l'autre partie du défi. Au Québec, il y a quoi? À peu près une centaine d'albums, donc ça reste raisonnable d'y lire toutes. L'international, si je me trompe pas, on tourne toujours autour de 5000 albums ou 3000 nouveautés. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. Tu comptes le manga là-dedans? Si on compte le manga. C'est vrai qu'il y en a 4 que j'ai pas lu. Donc, à part Marco, les autres, on n'a pas le temps de toutes les lire. Alors, donc, évidemment, c'est dans ces cas-là que j'aime bien utiliser le terme coup de cœur. Donc, je le redis parce que c'est pour une portion de la production, celle qu'on a eu le temps de lire. Et pour Marco, donc, qui lui a eu le temps de toutes les lire, t'as choisi, dans le fond, d'aller plutôt vers des coups de cœur personnels plutôt que des coups de cœur de palmarès, disons. Ben, en fait, oui, il y a 1 million grâce à... En fait, tes paramètres que tu nous as envoyés en disant coup de cœur, moi, je préfère, j'aime beaucoup ça parce que, tu sais, dans les jurys ou dans les palmarès, c'est bien évident que cette année, l'album de l'année était In Waves. Mais en donnant le truc, le paramètre de quel est vos coups de cœur, là, c'est plus agréable d'aller chercher des choses plus personnelles et chacun de vous autres l'avait fait. Et dans la production, il y a tellement eu de bonnes BD. Je pense que c'est le fun d'élargir l'aspect palmarès et la playlist de l'année. Là. Et en fait, je te laisserais peut-être justement, puisque tu introduis un peu la nature de ta playlist de l'année, je laisserais peut-être commencer parce que, en fait, moi, j'ai pas lu les titres dont tu as parlé. Je sais pas si c'est le cas pour les autres. Édouard, peut-être un peu moins parce que ben, vous travaillez ensemble, donc veux pas, il y a de la pollinisation qui se fait. Quoi, donc, t'as pas lu ce que... Ah, oh, ben moi, ce que Marco suggère, j'essaie d'éviter ça le plus possible. Alors, je te laisse te lancer, t'es avec Barrier. Oui, Barrier est un petit album qui est sorti côté américain l'année passée. En fin d'année, il est sorti en français. Maintenant, c'est un album à l'italienne. Barrier est surprenant. C'est de Brian Vaughan, celui qui avait fait la série Saga. Saga, oui. C'est un petit album surprenant par la façon dont ça a été construit. C'est un comic book, 6 parties, qui sortait une fois par mois, mais qui se lisait sur le large. C'est pour ça que l'album, maintenant, est à l'italienne. Mais en fait, c'est dans ce que ça raconte. C'est l'histoire d'une agente de frontière aux États-Unis qui patrouille la frontière mexicaine pour éviter les immigrants. Et c'est l'histoire d'un immigrant sud-américain qui remonte jusqu'au Mexique et qui veut traverser l'autre côté. Mais en fait, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que les deux, la policière et le Mexicain, sont enlevés par des extraterrestres et se retrouvent dans le vaisseau spatial. Et là, ils doivent s'entraider pour sortir de là. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire nous est racontée via la policière qui, elle, parle américain, parle en anglais. Et quand c'est sorti en anglais, bon, c'était en anglais, mais là, ils l'ont traduit en français. Mm-hmm. Mais l'autre, c'est que le Mexicain, il parle en espagnol et lui, il n'est pas traduit. C'est-à-dire que quand le comic est sorti, on nous offrait une traduction sur Internet. Mais il ne faut pas aller la voir. Alors, quand arrive le temps de lire l'histoire, ben, on lit ce que la policière pense et tout, mais on ne comprend rien de ce que le Mexicain dit. Mais on voit que toute l'histoire défilée, on est à la place, c'est l'immersion totale par rapport à la façon de communiquer puis de créer une relation avec... écoute, c'est magique. Et là, les extraterrestres et tout, ils s'en sortent, mais faut voir comment... Et c'est une fable magnifique pour ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. C'est vraiment aller... À la recherche de Moby Dick. Ah, là, tu vois, là, c'est autre chose. Au-delà du fait que, bon, c'est mon roman préféré, moi, ce n'est pas une adaptation du roman. Parce que la BD, depuis des années, a commencé à être autre chose qu'être une bonne histoire. C'est aussi une biographie. On s'en sert pour faire du documentaire. On s'en sert pour éduquer, faire de la vulgarisation dans certains domaines. On s'en sert pour à peu près tout maintenant. Et là, pour la première fois, à la recherche de Moby Dick, c'est une étude littéraire sur Moby Dick en bande dessinée. Deux universitaires discutent de Moby Dick, de Melville, des personnages. Et graphiquement, ben on a le droit à... Un des premiers passages, c'est vraiment le fun, c'est que les deux universitaires discutent dans des bibliothèques et tout, mais c'est pas important, mais ils discutent des personnages et tout. Et soudainement, ils abordent l'ouverture de Moby Dick, le premier passage. Et là, on voit Ismaël arriver à Nantucket. On voit différents... Et pendant que les deux universitaires discutent de la mentalité de Melville à cette époque-là... Bref, c'est vraiment une étude littéraire pure, mais en bande dessinée. Et j'ai trouvé que ça venait rafraîchir un petit peu tous ces concepts de BD documentaire, BD reportage, BD... Et c'est un autre plan. Et là, ça me disait, oh wow, on a une autre coche. La BD peut servir aussi à ça. Mais elle le sert très bien. En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne réussite. Et avant que tu perdes ta voix pour la grippe, donc Power of X. Bon, là, en 2019 est arrivé Jonathan Hickman est de retour chez Marvel. Jonathan Hickman est un scénariste incroyable qui a fait qui a marqué Marvel les dernières années en faisant les 400 coups là-bas. Il a repris à peu près toutes les séries, les Fantastic Four, les Avengers, les New Avengers. Et il a fait des Marvel Events, des événements Marvel comme Infinity. Il a aussi fait le dernier truc, Secret War, où il a tout démoli l'univers. Là. Il a vraiment éradiqué complètement l'univers où Marvel pouvait se repartir à zéro de façon magistrale. Et là, on lui confie. Et là, on lui confie les X-Men. Et là, il a reparti de zéro l'univers des X-Men en faisant... sa prémisse, c'est que Xavier réunit tous les X-Men méchants, bons, et il crée une nation et qui va gérer avec le monde entier. C'est à la fois complexe, mais avec le génie de Hickman, il simplifie le tout. Et surtout, sa grande qualité, c'est d'aller chercher les personnages, c'est d'aller chercher ce que sont les personnages, et ça depuis le début. C'est quelqu'un qui ne part pas de zéro, c'est-à-dire qu'il va faire avancer son histoire avec tout ce que l'héritage, le bagage que les X-Men traînaient derrière. C'est une des séries à surveiller en 2020. Complètement renversant. Complètement. Ah oui, tu l'as lu, toi? Ah oui, vraiment. Si vous ne saviez pas encore que Hickman est probablement un des meilleurs scénaristes de comics de notre génération, c'est le temps de le découvrir. Et en terminant, Marco, deux manches et la belle, brièvement. Ah oui, Mil Gross. En fait, c'est l'aspect historique là. Je pense que tout le monde connaît ma passion pour les comic strips du début du 20e siècle. Mil Gross a fait dans les années 20, a fait du comic strip, du screwball qu'on appelle, et il a été gagman pour Chaplin. Et là, en français, ils ont été chercher, ils ont traduit, mais là, traduit est un bien grand mot, un ouvrage qu'il a sorti en 1930. C'est-à-dire que lui, Mil Gross, a dit à ses copains, il dit, hey, moi, je vais écrire un roman graphique sans texte. Et on est en 1930. Et il a écrit Deux manches et la belle, où là, tout simplement, c'est l'histoire d'un bon gars qui est amoureux d'une fille et qu'un méchant va lui voler, et tout ça dans l'esprit du cinéma muet. Et c'est vraiment un... Écoute, c'est un chef-d'œuvre qui... et là, on apprend que... Attends une minute, le roman graphique, c'est pas une invention de 2000. Là. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Je vais tomber dans les miens puisque ma feuille m'amène à moi-même pour la suite. En fait, dans un style radicalement différent, j'ai été plus orienté vers la science-fiction cette année avec deux de mes quatre sélections côté international. Entre autres, en fait, Mécanique céleste de Merwan, qui nous amène en fait dans un monde post-apocalyptique. On est un peu dans une logique où les changements climatiques ont bel et bien eu lieu parce que la science se trompe généralement pas vraiment. Et donc, les eaux ont augmenté et on se retrouve donc avec un monde, une terre morcelée avec plein de territoires. Bon, il y a eu d'autres catastrophes aussi, outre ça. Et donc, il y a un territoire un peu plus dominant qui s'appelle Fortuna qui veut asseoir sa domination militaire sur les autres territoires environnants pour aller chercher de la nourriture. Et on se retrouve donc avec une autre nation qui s'appelle Pan, qui, elle, ben, produit du riz. Alors, on voit un peu l'intérêt militaire là-dedans. Et là, il y a des jeunes qui essaient d'aller chercher des pièces. Et on est un peu en mode survie, donc, avec une histoire qui, en apparence, est assez classique. Mais ça, c'est le premier tiers de l'album. Et les deux tiers qui restent, c'est une partie de ballon chasseur de 200 pages. Et c'est absolument décapant. Je veux dire, en fait, qu'on passe d'une dimension, qu'on nous amène vers l'autre en cours de route et qu'on assume pleinement que, ben, finalement, ça va être ça l'histoire parce que une fois qu'on a posé des enjeux sociopolitiques, ben, au bout du compte, ce qu'on apprend, c'est qu'aussi, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle la mécanique céleste, qui est une espèce d'arbitrage qui va au-delà de toute règle, qui essentiellement est une partie de ballon chasseur, un 2 de 3, donc entre les deux nations, où il doit choisir 7 personnes pour aller défendre l'honneur. Et donc, ils font une première partie dans un territoire neutre, la deuxième partie dans la zone du vainqueur de la première, et la troisième partie, ben, s'il y a lieu, donc dans la zone restante. Et donc, c'est ça, pendant 200 pages, un récit d'action où on fait de la construction de personnages. Je veux dire, c'est hallucinant, vraiment solide. Donc, ça, j'ai bien aimé. Et s'il y en a parmi vous qui aiment la science-fiction ou le ballon chasseur, ben ça risque de marcher. Et s'il y en a des ligues de dodgeball de Québec qui nous écoutent, ben faut que vous lisiez ça, évidemment. L'autre type de science-fiction, c'est Préférence Système. Et là, on est plus dans une logique un peu projet Chiatsung. Donc, on est dans une extrapolation de l'avenir où on a des choix importants à faire, à savoir, en fait, si moi, je veux mettre des images sur Instagram ou me diffuser sur Internet en train d'être dans mon salon puis de parler d'un livre, est-ce que ce que je fais dans le présent est plus important à conserver que 2001 de Stanley Kubrick? Et c'est une question à laquelle, dans le fond, des gens dans le futur doivent répondre, parce que les gens qui veulent émettre, qui veulent produire du contenu, mais à un certain moment donné, la capacité en termes de données à maintenir en termes énergétiques et le reste est rendue tellement grande qu'on ne peut plus les conserver. Et donc là, on fait une extrapolation sur qu'est-ce qui arrivait si quelqu'un justement essayait quand même illégalement de préserver des œuvres et comment ensuite on serait apte à les préserver. Tout ça dans le contexte aussi d'une histoire amoureuse, une histoire de fuite, et où il y a un point de bascule au dernier tiers aussi, on nous amène complètement ailleurs. Donc vraiment, en fait, je pense, c'est deux très bons ouvrages de science-fiction. Il a gagné un prix, ça. Il a gagné le prix à CBD, ouais, d'ailleurs, du meilleur album. Et petite mention aussi au passage pour Les deux vies de Pénélope, de Judith Van Istendael, qui est une autrice que j'aime bien. Celle qui a fait David, Les femmes et la mort, que vous avez tous lu. Et elle nous revient, cette fois-ci, avec le récit d'une chirurgienne qui est hyper impliquée du côté d'une zone de guerre, donc qui fait des opérations sur des enfants, sur des adultes, elle vit des choses extrêmement difficiles, et elle le fait loin de sa famille, parce qu'elle a une famille en France, mais elle a été 32 fois en mission en Syrie, parce que c'est ce qui l'appelle vraiment. Et quand elle revient, ben elle trouve pas nécessairement sa place dans le quotidien, elle trouve beaucoup de choses peut-être un peu moins significatives, elle comprend pas vraiment. Et donc, on est vraiment dans les deux vies de Pénélope, donc d'un côté la vie dans laquelle elle a l'impression qu'elle s'accomplit, mais psychologiquement l'atteint énormément, et l'autre vie qu'elle laisse derrière elle et comment les gens essaient peut-être de la convaincre d'à un moment donné rester et d'apprécier cette vie-là qu'elle s'est donnée, plutôt que de partir toujours pour essayer de changer les choses. Et donc, c'est un peu un grand débat, une grande réflexion. C'est un album très, très émouvant, dessiné entièrement à l'aquarelle. C'est absolument superbe et je vous mets au défi de ne pas être touché d'une manière ou d'une autre par ce récit-là. Et troisième titre, je vais passer la balle à Jérôme parce que tu l'as mis aussi dans tes sélections. C'est un des rares qui est en deux, mais t'en as deux. T'en as un avec moi et un avec Édouard. Le Royaume de Blanchefer de Benoît Ferroumont. Ouais. Ben moi, Le Royaume, c'est, je l'avoue, là, c'est une de mes séries chez Dupuis préférées. Je sais pas si c'est à cause que ça se passe au Moyen-Âge ou si c'est parce que Le Royaume me fait un peu penser à la Comté. Il a l'air de faire bon vivre en tant que tel, mais j'aime surtout tous ces personnages que je trouve tous savoureux les uns que les autres, puis particulièrement évidemment le personnage de Anne qui est le personnage principal, Anne la tavernière. Et ça avait pris beaucoup de temps à Benoît Ferroumont à sortir cet album-là. Je pense que le dernier, c'est Perly Poppet, était sorti genre en 2016 ou un truc comme ça. Ça fait quand même longtemps. Et il est arrivé avec quelque chose d'assez costaud. Premièrement, l'album est hors norme en termes de nombre de planches. Plus de 100 pages. Ouais, hein? mais c'est pas 100 pages ennuyant. Au contraire, ça l'action des boules. Puis on n'a pas besoin d'avoir lu Le Royaume pour apprécier non plus ce cheval à parenthèse. C'est important de dire. Oui, par contre, c'est plus intéressant. Ben oui. Parce que, en plus, bon, Ferroumont nous gâte avec les origines du royaume. On a donc des personnages dont le roi Serge qui selon moi, dans la série, souvent comme comic relief ou juste pour protéger Anne, son personnage se développe davantage et il devient vraiment un personnage beaucoup plus intéressant. Et puis, même, les méchants là-dedans, dans cet univers-là, hein, c'est toujours... c'est jamais foncièrement totalement méchant. En tout cas, c'est de la bande dessinée vraiment très, très agréable à lire. En fait, c'est du grand 7 à 77 ans. Oui, ouais, on pourrait le dire comme ça. Puis, en tout cas, ouais, c'est bien mené, là, franchement. Et l'autre album que tu partages, c'est dans un tout autre style, c'est Conan. Oui, mais on ne partage pas tout à fait le même. Par contre, mais ça, soit dit en passant, ce qu'on partage, Edouard et moi, c'est qu'on est des fans de Rutty Award. Mmh. Et cette série-là, moi, en fait, la série au complet, je la trouve géniale jusqu'à date. C'est que menée par Patrice Louinet, qui est le grand spécialiste français de Robert E. Howard, et Morvan, je crois, qui l'accompagne dans cette aventure éditoriale-là. Oui, oui. Ils mettent en adaptation BD donc les meilleurs, ce qu'eux considèrent comme les nouvelles les plus intéressantes de Robert E. Howard. Et premièrement, la chose la plus intéressante, c'est qu'on se dédouane là-dedans du Conan mis en place par Frazetta, qui n'a rien à voir avec celui que Howard créait. Donc, premièrement, il n'est jamais juste en pagne. Et puis, on change de style graphique à chaque album, et ça, c'est franchement intéressant. Mais moi, mon album dans la série que j'ai le plus aimé, c'est La fille des géants du gel, que je trouvais, Rex, je sais jamais comment dire son nom, celui qui avait fait l'adaptation de Elric, autre grand anti-héros de la fantasy. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Donc, encore là, lui, avec une bande dessinée où Conan joue au chat et à la souris avec une femme dans un décor hivernal, c'est absolument génial comment c'est fait au niveau graphique. Moi, ça a été mon album préféré, mais ils valent tous le coup, là, honnêtement. Là. C'est absolument indéniable. Moi, de mon côté, mon choix s'est porté sur Au-delà de la rivière noire parce que, bon, c'est une des histoires de Howard que j'aime beaucoup, qui a un petit côté aussi. C'est un de ses grands classiques, d'ailleurs. C'est un de ses grands classiques, mais je veux dire, l'adaptation de Gabella est absolument magnifique. Oui. Mais là-dessus, j'abonde dans le même sens que Jérôme. Je veux dire, il en est sorti encore une fois 4 ou 5 cette année et ça vaut le coup. Vous laissez pas aller à un ou à l'autre. C'est l'ensemble de cette œuvre-là. On a de mémoire jamais collé aussi bien, avec autant de dévotion, oui, avec autant de perfection à ce que Howard lui-même avait mis de base. Et on découvre des auteurs et des dessinateurs différents là, à chaque fois. C'est vraiment une bonne porte d'entrée. Une collection complètement renversée. Oui, vraiment. Edouard Tremblay, deux de tes sélections privées, Les Indes Fourbes. Les Indes Fourbes, qui nous est arrivé à la toute fin de l'année. Guarnido, le dessinateur de Black Slad. Errol, dessinateur de Cap et de Croc. Ai-je besoin d'en dire davantage? Écoutez, Les Indes Fourbes, oui. Les Indes Fourbes est au roman picaresque, en fait, ce que Black Slad est au roman noir, ni plus ni moins. Adapté, en plus, la suite, en fait, non officielle d'un roman de Francisco Quevedo, un des grands auteurs espagnols du siècle d'or. Écoutez, vous dire le pur bonheur que c'est, un, de savourer chacune des cases et des dessins, et cette aventure, justement, de magnifiques personnages, de renversement en renversement, de faux-semblant en faux-semblant. Bref, tout ce qui fait l'essence des grands romans picaresques, vous allez le retrouver. Il faut absolument pas laisser passer ça. Complète réussite. Et un autre titre, Samson? Samson, oui, les Samson et l'amateur de souffrance, quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'en plus, les trois albums sont parus cette année, donc la série est maintenant complète, et qui va mettre en scène la fameuse lignée des Samson que peut-être certains des fans de Folco connaissent comme étant justement les fameux Pibrac de Folco. Les Samson qui ont été pendant 7 générations les exécuteurs des hautes œuvres des rois de France et qui vont être confrontés là-dedans à des espèces de vampires qui se nourrissent de souffrance, qui se nourrissent des exécutions que vont faire les Samson. Et les Samson, justement, de père en fils, vont lutter contre ces espèces de vampires-là, ces espèces d'amateurs-là. C'est une BD dans laquelle j'étais rentré, en fait, de base, de reculons, et c'est bien la preuve qu'une première impression, des fois, ça veut rien dire. J'y ai donné une chance et j'ai été complètement emballé par le truc. Et deux albums sur lesquels on ne reviendra pas dans le détail, parce qu'on en a déjà parlé dans le détail, enfin, mais je les mentionne. En fait, Édouard, dans ta sélection Top 4, t'as mis La fin du monde en trinquant de Krasinski, dont on a parlé. Oui, c'est ça, et la chance de parler d'un long en large, mais magnifique récit, ouais, voltairien, des lumières. Allez voir notre balado, écoutez. Cet album-là, c'est la fin. Oui, c'est ça, on en a parlé d'un bout à l'autre, absolument splendide. Et à l'inverse, dans notre club de lecture estival, on avait parlé d'Aujourd'hui est un beau jour pour mourir. Que t'as mis dans ton Top 4 étranger? Moi, c'est mon album de l'année. Là, Aujourd'hui est un beau jour pour mourir. Donc, malheureusement, s'il était dispo, ça serait le mien aussi. C'est ça. Malheureusement, il est rendu difficile à trouver, mais c'est pour moi, c'est un roman graphique absolument renversant. Tout à fait. Alors voilà, sélection complète donc de nos coups de cœur pour l'année 2019. Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Jérôme Vermette, un grand merci à vous trois de vous être prêtés au jeu. Merci à toi. À la prochaine. Merci. Et on se retrouve en février pour un prochain club de lecture. Et ici à La Vie en BD, la semaine prochaine, on aura le plaisir de passer une heure avec Émile Ferris, donc autrice de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.